recevoir bientôt l'ango. A tout le monde, pas peine, on a bijou. Mon azam bagnolange. Pas peine, on a ligné. Ma poule en bagnolange. Ma poule en babobé. Mon azam bagnambo. A tout la poule en bambou. Mon azam ba problème. Ma poule en ba afé. Mon azam. A tout la poule en babobé. Oh, samba histoire, tu vois pour l'amba pougou. Oh, samba problème, oh, pour l'amba zenzen. Oh, samba. Samba nyambo, aduwa bula mba mbungu. Mwa samba problem, aduwa bula mba afe. Mwa samba, aduwa bula mba bube. Mwa samba histoire, aduwa bula mba mbungu. Mwa samba problem, aduwa bula mba zenze. Mwa samba, nyanga maloko mwende na waye ya geju. Oh, I don't know more.